assez connus ont tous un grand décrochu. Les vrais mâles sont pourvus d'un torse velu. La peau bien bronzée des stars fonce à la vue du caviar. Les joues des poivrons rougissent à celle du pastis. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphopsychologie. Les bavards et les commères ont la langue de travers. Les rusés, les petits malins ont tous le nez fin. La pupille dilatée trahit la cupidité. Le prépuce remonté, la timidité. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphopsychologie. Y a les yeux des vrais gangsters, cernés de poches revolvers. Les orteils, les obsédés, toujours écartés. Les justes, les bons chrétiens, qui ont le cœur sur la main. Les gens pétris d'ambition, qui ont le bras long. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphopsychologie. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphopsychologie. Y a les deux coups de saillant, très prisés chez les gagnants. Le babillage chronique des hommes politiques. Le charisme qui émane du regard des hooligans. Les fessiers avantageux des gros paresseux. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphopsychologie. La démarche souple et féline des pros du bodybuilding. La tête basse, le dos voûté des gens résignés. Le rictus, le sang chaud à la mode des fachos. Les réactions animales du Front National. Comme tout s'éclaircit, c'est la morphopsychologie.